président Céline Lango, OG Sécurité, Yoka Papi Ipepi et son ami de très très longue date, Antoine Kofi Olomidem Pau, accompagné par le vieux Katani Boma l'international, femme d'exception. Yamba, c'est comme cela na benga kama moyo abotangai. Simba Julienne. Salut Dada Mwanza, Mufini Kouya Lyon. Baleki Balanda Nana Sima. Mamesina Claudine, Bakufa Bakenda. Natikala na Mirei, Kakembi Hiko. Nisha Mandala Bilele. Ela Jima Senga, Monani. Nalunda Mami Chozoa, na Petit Meda Zulu Julien. Na Mwanza, Adrien, madame, me funiku, hein? Mwana suka, oyo abimana, libu mwa mama ntimba. Aïe, treize ma pote, ba papa, ba maman, papa ou kofi, bana papi, l'ami que j'aime, boyoka, kole la nanga, tona nzembo, na yimbi po na yi, l'imbattable et tout ramboma, na yi bakate, c'est vrai. Aïe bakate mokolo ekoya na kokimpe koya kolinga mwasi mosusu na motema na ngai Didi esokia Claudine Lonzo kate di tendaye Oui vine nolangi na maui Moko mampa ma belle congolaise belle orléanaise Yambi mamanga na sepela na yo mingi Depuis to lingana na yo Passe bolingo ici langaye. Grand maître Moïse Eton, Doudou Koukou RTLCD, émission Escalator. Aïe, Vinanga Ezala qui n'a désordre sans ta présence. Je vivais tout comme un célibataire malgré la pota panangaye. N'a pas si à Mindele. Oui, on a fait la banane à Mindele, la pota à Bazel. Zouanga Moubima. Boko mayo Bako barete Sale langa wanzela Kata mindelu Lobana kolanda Pesa mi beko maso kolinga Na kolanda Sherindola mwasi kitoko Mansimba Wivine nangai Mwana ya Marie Claire Mayuni Mama Jilene Nako yebisa bagarso Gena makela duzo mbompe na kibokolo Kuna nangola e Esengo Kinshasa, awana kati ya Paris Basi ya kitoko bazali ebele Kasi yonga na pola zakaka Femme d'exception Femme d'exception Yazani, Papi Pepi Junior Elibala ezali Je mokete Na wiva deception Na Papi Pepi Esi na poli Loko la tolingani Oche lindola Miso na yo zipa Mato ina yo kanga Mona kope kimia Wana toko vive seko seko Mupa ote mwe Modogo protocol Sambale jeje fula ma Molingo koko libinda Nenge kako loba Mako tika kate Wana nizali mubekwe Kona kibokolo Maloba boye Kyaku kyaku Kyangana kyangana kyaku kyaku Mindele na lembi bino Omoni singa ibwale Okimi na banana ngaye Basi Afrika bale kibino Sherindola Azafen, azafen Oh oh Kako motema mpasi Makati kongolo Sherina ngaye Bienveni ochudie Yani kengoma Nalelanga nanani Vye de manoko simon zuzi Laza mame si Claudine bakenda Elibala ezalie Je mokete Na voiva deception Na papi pepi Esi la chouli Loko la tolingani Oche lindola Miso na yo zipa Matoy na yo kanga Moro kompe kimia Wana toko vive seko seko Mpa ou temwe DJ Frank na Septemba Speedy Miel na Katia Paris Tolika Kaka Tour Bosco Motufwa Marie Essenga, Ricky Mataka, Alphonse Mavuela. A tout le monde, à quoi nous? C'est mon canon, c'est mon écoutilade, c'est mon racine à ma foule. Sika yangoye